Juges chapitre 19. Il arriva aussi en ce temps-là, n'y ayant point de roi en Israël, qu'il y eut un lévite, demeurant aux côtés de la montagne d'Éphraïm, qui prit une femme concubine de Bethléem de Juda. Mais sa concubine paillarda chez lui, et s'en alla d'avec lui en la maison de son père en Bethléem de Juda, et elle y fut quelques jours, savoir l'espace de 4 mois. Puis son mari se leva, et s'en alla après elle, pour lui parler selon son cœur, et pour la ramener. Il avait aussi avec soi son serviteur, et 2 ânes, et elle le fit entrer dans la maison de son père, et le père de la jeune femme le voyant se réjouit de son arrivée. Son beau-père donc, père de la jeune femme, le retint à grande instance, de sorte qu'il demeura avec lui 3 jours, et ils mangèrent et burent, et logèrent là. Et au 4e jour s'étant levé de bon matin, il se mit en chemin pour s'en aller, mais le père de la jeune femme dit à son beau-fils, « Fortifie ton cœur avec une bouchée de pain, et puis vous vous en irez. » Ils s'assirent donc, et mangèrent et burent eux 2 ensemble, et le père de la jeune femme dit au mari, « Je te prie qu'il te plaise de passer encore ici 7 nuits, et que ton cœur se réjouisse. » Et comme le mari se fut mis en chemin pour s'en aller, son beau-père le pressa tellement, qu'il s'en retourna, et il y passa encore la nuit. Et au 5e jour il se leva de bon matin pour s'en aller, et le père de la jeune femme dit, « Je te prie, fortifie ton cœur, » et ils tardèrent tant, que le jour baissa pendant qu'ils mangeaient eux 2 ensemble. Puis le mari se mit en chemin pour s'en aller, lui et sa concubine, avec son serviteur. Et son beau-père le père de la jeune femme, lui dit, « Voici maintenant le jour baisse, il se fait tard, je vous prie passez ici la nuit, voici le jour fini, passe ici la nuit, et que ton cœur se réjouisse, et demain au matin vous vous lèverez pour aller votre chemin, et tu t'en iras en ta maison. » Mais le mari ne voulut point y passer la nuit, mais il se leva, et s'en alla et vint jusque vis-à-vis de Jébu, qui est Jérusalem, ayant avec soi ses 2 ânes embattés, et sa concubine. Or comme ils étaient près de Jébu, et que le jour était fort avancé, le serviteur dit à son maître, « Marchez, je vous prie, et détournons-nous vers cette ville des Jébusiens, afin que nous y passions la nuit. » Et son maître lui répondit, « Nous ne nous détournerons point vers aucune ville des étrangers, où il n'y a point d'enfants d'Israël, mais nous passerons jusqu'à Giba. » Il dit aussi à son serviteur, « Marche, et nous gagnerons l'un de ces lieux-là, et nous passerons la nuit à Giba, ou à Rama. » Ils passèrent donc plus avant et marchèrent, et le soleil se coucha comme ils furent près de Giba, qui appartient à Benjamin. Alors ils se détournèrent vers Giba pour y entrer et y passer la nuit, et étant entrés, ils demeurèrent en la place de la ville, car il n'y avait personne qui les retirât chez soi, afin qu'ils y passassent la nuit. Et voici sur le soir un vieux homme, venait des champs de son travail, et cet homme était de la montagne d'Éphraïm, mais il demeurait à Giba, dont les habitants étaient enfants de Jéminy. Et levant ses yeux il vit dans la place de la ville se passant, et cet homme vieux lui dit, « Où vas-tu, et d'où viens-tu ? » Et il lui répondit, « Nous passons de Bethléem de Juda vers les côtés de la montagne d'Éphraïm, d'où je suis, parce que j'étais allé jusqu'à Bethléem de Juda, mais maintenant je m'en vais à la maison de l'Éternel, et il n'y a ici personne qui me retire chez lui. Nous avons pourtant de la paille et du fourrage pour nos ânes, et du pain et du vin pour moi et pour ta servante, et pour le garçon qui est avec tes serviteurs, nous n'avons besoin d'aucune chose. » Et le vieillard lui dit, « Paix te soit, quoi qu'il en soit je me charge de tout ce dont tu as besoin, je te prie seulement de ne passer point la nuit dans la place. » Alors il le fit entrer en sa maison, et il donna du fourrage aux ânes, ils lavèrent leurs pieds, mangèrent et burent. Comme il faisait bonne chair, voici les gens de la ville, hommes fort corrompus, environnèrent la maison, heurtant à la porte, et ils parlèrent aux vieux hommes, maîtres de la maison, en disant, « Fais sortir cet homme qui est entré en ta maison, afin que nous le connaissions. » Mais cet homme, savoir le maître de la maison, sortit vers eux, et leur dit, « Non, mes frères, ne lui faites point de mal, je vous prie, puisque cet homme est entré en ma maison, ne faites point une telle infamie. Voici, j'ai une fille vierge, et cet homme a sa concubine, je vous les amènerai dehors maintenant, et vous les violerez, et vous ferez d'elles comme il vous semblera bon, mais ne commettez point cette action infâme à l'égard de cet homme. » Mais ces gens-là ne voulurent point l'écouter, c'est pourquoi cet homme prit sa concubine, et la leur amena dehors, et ils la connurent, et abusèrent d'elle toute la nuit jusqu'au matin, puis ils la renvoyèrent comme l'aube du jour se levait. Cette femme donc, comme le jour approchait, s'en revint, et étant tombée à la porte de la maison de l'homme où était son seigneur, elle y demeura jusqu'au jour. Et son seigneur se leva de bon matin, et ayant ouvert la porte il sortait pour continuer son chemin, mais voici, sa femme concubine était tombée à la porte de la maison, et avait les mains sur le seuil. Et il lui dit, « Lève-toi, et allons-nous-en », mais elle ne répondait point. Alors il la chargea sur un âne, et se mit en chemin, et s'en alla en son lieu. Et étant venu en sa maison, il prit un couteau, et empoignant sa concubine il la partagea avec ses 112 parts, et en envoya dans tous les cantons d'Israël. Et il arriva que tous ceux qui virent cela dirent, « Une telle chose n'a été faite ni vue depuis le jour que les enfants d'Israël sont montés hors du pays d'Égypte, jusqu'à ce jour. » Pensez à cela, consultez, et prononcez.